Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, une histoire qui hante et qui obsède la Russie depuis plus d'un demi-siècle, les disparus du col Dyatlov. Les faits remontent au mois de février 59. Cet hiver-là, 9 étudiants soviétiques meurent dans d'étranges circonstances alors qu'ils bivouaquent au pied d'une montagne de l'Oural. Leurs corps seront retrouvés quelques semaines plus tard, éparpillés et ensevelis sous la neige. Certains, parmi eux, sont découverts nus. D'autres ont les mains brûlées ou le thorax fracturé. D'autres encore ont une couleur de peau très étrange. Mais le plus terrifiant pour les sauveteurs, ce sont les visages des 9 victimes gelées, immortalisées par la glace, qui traduisent tant d'effroi et tant de peur. Faute d'indices et de témoignages, l'enquête est rapidement classée sans suite. Les 9 randonneurs sont déclarés morts d'une force inconnue mystérieuse. Quant à la zone de la tragédie, elle devient zone interdite. Alors, les 9 alpinistes ont-ils été attaqués par une tribu locale ou par des prisonniers en fuite? Ont-ils été la cible d'une expérience militaire ultra secrète? Ou d'une avalanche, d'un animal, voire d'une mise en scène? Notre invité aujourd'hui, Johann Gumm, chercheur, chef de laboratoire à l'école polytechnique de Lausanne. Il est l'auteur, avec son confrère Alexander Purzin, d'un article sur cette affaire. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA. Récit documentaire Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Benjamin Riquet. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Aujourd'hui, c'est le dernier jour des examens à l'école polytechnique. Pendant que les uns sont encore en train de passer les épreuves, les autres règlent déjà leur ski, font provision de pellicules ou complètent leur équipement. Cette nuit, le train nous emportera dans des contrées lointaines. L'aventure qui s'offre à nous est unique. Et moi, Igor Dyatlov, j'entends emmener mes camarades et moi-même vers notre objectif avec succès. Dimanche 25 janvier 1959, gare ferroviaire Divdel, oblast de Sverdlovsk, Union soviétique. Ce nom imprononçable est celui d'une localité située à plus de 1500 km à l'est de Moscou, au pied de la partie nord de la chaîne de montagnes de l'Oural, dans une zone reculée, enclavée par les forêts de sapins et la végétation de la taïga. L'hiver, les températures ne sont jamais supérieures à moins 5 degrés. Et la neige donne aux paysages des environs leur forme et leur couleur. Comme chaque jour, il est environ de 9h du matin, lorsque résonne dans Ivdel le bruit mécanique de la seule locomotive qui relie la ville au reste de la région. À son bord, assis entre les marchandises, le courrier et des bidons d'alcool, se trouve un groupe de jeunes gens au profil atypique. Ils sont 10, 8 garçons et 2 filles, tous en tenue de randonnée. Pour la plupart, des étudiants de la prestigieuse école polytechnique de Sverdlovsk. Ils viennent de passer une nuit dans le train et sont ici pour entamer dans quelques jours un défi de taille. L'ascension d'une montagne de la chaîne de l'Oural, avec pour objectif de célébrer à son sommet l'ouverture du 21e congrès du Parti communiste du RSS. L'ivresse politique des sommets. À la tête de ce petit groupe pittoresque, un certain Igor Dyatlov. Étudiant en quatrième année, on le repère facilement à son petit bonnet noir, sa chevelure blonde balayée en arrière, son regard souriant et surtout son charisme. Le jeune homme est un randonneur expérimenté. Il a des centaines de parcours au compteur. Pour lui, cette expédition ne représente aucune difficulté. Et puis, cela fait des semaines qu'il étudie et prépare l'itinéraire. Des semaines qu'il peaufine cette aventure jusque dans ses moindres détails. Très pro, donc très confiant. Autour de lui, on distingue les visages souriants des 9 camarades qui vont l'accompagner dans cette expédition. Ils s'appellent Alexandre, Rustem, Zina, Lyusha, Georgi, Nikolai, Semen. Et les deux derniers s'appellent tous les deux Yuri, ce qui rend service au narrateur. Merci. Ils ont entre 21 et 38 ans, tous se sont portés volontaires, tous ont une très bonne connaissance de la montagne et surtout, ils sont conscients des dangers qu'ils pourraient rencontrer une fois en altitude. Sur les quelques photos qu'ils prennent ce jour-là et que l'on retrouvera par la suite dans leurs affaires, on les voit chahuter et rigoler. À leurs pieds, on aperçoit de larges sacs à dos en toile de jute. À l'intérieur, nos 10 randonneurs emportent tout le matériel nécessaire pour pouvoir tenir pendant plus de 15 jours en autonomie complète. Il y a là des réchauds, de petites bouteilles de gaz, des pépules de laine, des duvets, des lampes à pétrole, beaucoup de nourriture, des bâtons et bien sûr des skis de fond. Chacun d'entre eux portera sur les épaules plus de 25 kilos d'équipement. Durant les 300 kilomètres de leur parcours, ils n'auront aucun moyen de télécommunication. Vu les distances à parcourir, on a considéré que ce matériel lourd et encombrant était inutile. Igor Diatlov et le reste de sa bande d'aventuriers savent que la randonnée en montagne ne pardonne aucune erreur. Surtout ici, dans cette région où personne ne pourrait se porter à leur secours en cas de problème. Notre itinéraire est le suivant. Une fois arrivés à Ivdel, nous gagnerons le petit village de Vijaï, puis ferons un dernier ravitaillement à Severny, avant enfin de nous engager dans l'ascension du mont Otorten. Cette montagne culmine à 1234 mètres d'altitude. En été, la gravure ne représente pas de grandes difficultés, mais en hiver, par contre, elle révèle sa vraie nature. Comme partout ailleurs dans l'Oural, les tempêtes de neige et de blizzards sont fréquentes. À côté du vent, les températures sur ces pentes peuvent chuter jusqu'à moins 25 degrés. À cela, le fait qu'elle soit située dans une zone isolée, ça nous oblige à redoubler de prudence pour ne pas nous blesser ou faire d'erreurs stupides. Mardi 27 janvier 1959, ciel dégagé, temps clair au-dessus de la région de l'Oural. Ce matin-là, les températures sont étrangement clémentes pour la saison. Après un bref arrêt au bureau de la milice locale pour renseigner leur itinéraire ainsi que leur date de retour théorique, disons dans un peu plus de 2 semaines, le petit groupe emmené par Igor Diatlov embarque à bord d'un camion. Prochaine étape, le village de Vijaï, donc, situé à 35 km de là. Une fois sur place, la randonnée commence. Diatlov a décidé de prendre l'itinéraire le plus court, ce qui n'est pas sans poser quelques difficultés vu les importantes chutes de neige. D'ailleurs, avant qu'ils ne quittent Vijaï, certains habitants les mettent en garde des pièges que pourrait leur réserver la météo, très changeante ici ces derniers jours. Igor Diatlov écoute, mais d'une oreille. Après avoir chaussé les skis de fond, le groupe longe une rivière pendant plusieurs heures, avant de s'enfoncer dans une épaisse forêt de bouleaux et de sapins. Autour des 9 étudiants se dégage un incroyable silence. Et la neige recouvre le paysage à des dizaines de kilomètres à la ronde. Diatlov ouvre la marche. Il doit dégager l'épaisse couche de neige de près d'un mètre qui stagne par moments sur le chemin, ce qui lui demande un effort considérable. Derrière, ses camarades rigolent, chantonnent, se chambrent. Certains se mettent à évoquer les étranges rumeurs qui courent au sujet de cet endroit peu fréquenté, sauvage et méconnu, dont les seuls habitants sont les membres d'une tribu autochtone aux rites étranges, les Mansi. J'avais prévu de nous faire traverser le territoire de la tribu des Mansi, car j'estimais qu'à cette époque de l'année, il n'y avait quasiment aucune chance pour nous de faire leur rencontre. Les températures trop froides de la saison ne leur permettent pas, en effet, d'emmener leurs animaux. Les Mansi ne représentent pas, à proprement parler, un danger dans la région. Je sais d'expérience qu'il faut quand même se méfier d'eux. Lorsqu'on les croise, leur comportement est imprévisible et il leur arrive parfois d'être violent. Alors, arrivé au dernier village étape de Severny, premier problème. L'un des randonneurs, Yuri Yudin, se plaint du dos. Il semble avoir tous les symptômes d'une sciatique, ce qui n'est pas top avant une ascension. Alors, comme le veut la règle, Igor Diatlov le renvoie à Sverdlovsk. Et c'est la fin de l'aventure. 5 jours de marche plus tard, dimanche 1er février. Depuis le milieu de la nuit, la météo s'est sévèrement dégradée dans les montagnes de l'Oural. Une épaisse nappe de brouillard rend la visibilité et l'orientation difficiles. Et puis cette maudite neige qui ne lâche rien, elle est encore tombée cette nuit. Malgré tout, les 9 randonneurs continuent leur progression et leur montée en altitude. Pas question de rebrousser chemin. Pour faire face à cette météo capricieuse, Igor Diatlov décide subitement de changer d'itinéraire. Si l'objectif final est toujours de rejoindre le sommet d'Ortoton, il tente le pari d'essayer de s'éloigner de la tempête en passant par un premier col, le Kolat Siakil, indiqué sur les cartes par le numéro 1079. Pas aimable ce sommet. Dans la région, on le surnomme la montagne de cadavres ou la montagne maudite. La légende raconte que 9 membres de la tribu des Mansi y ont perdu la vie dans des circonstances jamais élucidées quelques années plus tôt. On dit également qu'il est fréquent de retrouver des cadavres d'animaux sur ses pentes ou sur son sommet. Sur la carte, ce Kolatsiakil pourtant ne semble pas trop difficile à franchir, ni très large, ni très haut. Sa crête ressemble à une sorte de montagne pelée. Le chemin pour y aller n'est pas très dangereux, sa traversée relativement simple, mais chahuté par la tempête et ne voyant pas à 2 mètres, Dyatlov finit par se perdre, ce qui pour un éclaireur n'est pas top non plus. Enfin, plutôt que de rejoindre et de longer la crête pour économiser du temps et des forces, il dévie son itinéraire de plusieurs centaines de mètres. Tout le monde doit donc marcher dans la neige à flanc de montagne. Plus fatigant ne fait pas. D'ailleurs, cette lumineuse idée se solde par quelques chutes et égratignures, rien de grave. Mais chacun s'en serait bien passé. La suite, c'est un habitant de la région qui la raconte. D'après les photos qu'ils ont faites et qu'on a retrouvées, Igor Dyatlov et son groupe ont vraisemblablement décidé de bivouaquer en pleine montée, à un peu moins de 300 mètres du sommet. L'endroit n'est pas particulièrement abrupt et pentu, mais cela reste une zone très inhospitalière. En plus, il semble qu'ils étaient alors pris en plein blizzard. Ce que l'on sait, c'est qu'ils ont creusé un trou, y ont déposé leurs skis, ils ont tout recouvert et monté leur tente dessus. C'est ce qui se fait d'habitude. Après, ils ont probablement mangé et se sont couchés en espérant repartir le plus tôt possible le lendemain matin, avec l'espoir que la tempête se serait calmée. Le 1er février au soir, Igor Dyatlov ouvre son journal de bord. Il y note quelques détails de la journée, il y part surtout de cette météo qui s'acharne. Mais rien d'autre, de sorte que personne ne saura ce qui s'est passé ensuite. La seule certitude, c'est que durant cette nuit de tempête du 1er au 2 février 1959, le campement des 9 randonneurs, situé à près de 1000 mètres d'altitude à flanc de montagne, s'est transformé en piège mortel. Oui, mortel. Car aucun d'eux n'en sortira vivant. 2 semaines plus tard, lundi 16 février, École Polytechnique de Sverdlovsk. Voilà 4 jours qu'Igor Dyatlov et ses camarades étudiants étaient censés revenir au village de Viznaï. De là, il était convenu qu'ils envoient un télégramme au club sportif de l'école pour les informer que tout allait bien et dire aussi s'ils avaient réussi à aller au bout de leur ascension. Au début, les familles ne s'inquiètent pas plus que ça. Après tout, vu les conditions météo, il est normal que les randonneurs soient retardés. Mais après 4 jours sans nouvelles, tout de même, la crainte se lit sur les visages des parents venus rencontrer le directeur de l'école. Et tous lui réclament de lancer des opérations de recherche. Il faut pourtant attendre le 20 février pour que 4 équipes de secours se lancent sur la piste d'Igor Dyatlov et de son groupe. Faute de mieux, le directeur de l'école a mobilisé 60 de ses propres étudiants, dont certains n'ont jamais randonné. D'autres ne savent même pas lire une carte. Des militaires stationnés dans la région sont également appelés en renfort. Le jeudi 26 février, après plusieurs jours de recherche sans succès, un groupe d'étudiants décide de longer le col de Kolatsiakil, la montagne des cadavres, le sommet de mauvaise réputation, hélas mérité. En montant pour rejoindre le col, un peu en désespoir de cause, un des groupes de secours a découvert la tente du groupe de Dyatlov. Alors, grand étonnement, toutes les affaires des randonneurs se trouvent à l'intérieur. Leurs habits, leur équipement et même leurs vivres. Sur le côté, exposé au vent, ils découvrent que la toile de tente a été lacérée de l'intérieur en 2 endroits, comme si les randonneurs, se sachant pris au piège, avaient tenté de s'enfuir. En aval de la tente et sur plus de 500 mètres, les étudiants du groupe de secours remontent des traces de pas, apparemment de plusieurs personnes. Et ces traces mènent toutes à la lisière d'une forêt. Puis, plus rien. La neige a tout effacé. À 1,5 km de la tente, sous un immense cèdre, les secours découvrent les restes d'un feu autour duquel gisent les premiers cadavres. 2 sont en sous-vêtements, 2 autres sont retrouvés un peu plus loin, à 300 mètres de là, et surtout, un peu plus loin encore, ils découvrent le corps d'Igor Dyatlov. Le chef de l'expédition a le corps gelé, il est à moitié couché, à moitié assis, pieds nus, il enlace de ses bras le tronc d'un petit bouleau. Dans ses yeux, certains ont dit qu'on pouvait y lire la peur de la mort. D'après les rares éléments qui fuiteront dans la presse régionale, le médecin légiste estime que les cinq randonneurs sont morts d'hypothermie. Pourtant, l'un d'entre eux, Roustem, a le crâne fracturé, une entaille de plus de 6 cm. Plus étonnant encore, lui et une autre des randonneurs, Zina, ont les mains brûlées. Pendant près de 2 mois, une cinquantaine d'étudiants, assistés des soldats, vont sonder chaque centimètre carré de neige autour du campement du groupe Diatlov pour essayer de retrouver les corps des 4 randonneurs toujours portés disparus. Face à l'émoi que cette affaire suscite dans la région, l'armée soviétique dépêche sur place d'importants moyens. Des hélicoptères, des chiens de secours en montagne, des sauveteurs spécialisés dans les avalanches. On transforme même des détecteurs de mines en détecteurs tout court pour sonder le sol. Finalement, le 4 mai, ce sont encore des étudiants sauveteurs qui finissent par retrouver les corps des derniers membres du groupe, ensevelis sous 5 mètres de neige, à 1 km seulement du campement, près de la vallée. D'après le médecin légiste qui les examinera, tous sont morts de façon très violente. Parmi eux, 2 des randonneurs ont eu la cage thoracique enfoncée. L'un d'eux semble avoir eu la langue arrachée. Et surtout, l'un des cadavres a une couleur de peau et des cheveux qui ont viré à l'orange. Au moment où il extrait ce corps, l'un des militaires entend son dosimètre, petit appareil qui mesure la radioactivité, se mettre à crépiter, comme si le cadavre qu'il avait entre les mains était radioactif, contaminé. Alors, que s'est-il passé ? 9 randonneurs expérimentés, étudiants de la prestigieuse école de la région, morts dans des conditions étranges, une ville en deuil, des familles qui réclament des réponses. Malgré cela, l'enquête officielle menée par le parquet général de l'Oblast de Sverdlovsk est très vite enterrée. En l'absence de coupables, même présumés, de témoins et d'éventuels indices, les juges déclarent que les randonneurs du groupe Diatlov sont morts sous l'influence d'une force inconnue, mystérieuse, je cite, mot pour mot. Ensuite, toutes les pièces du dossier sont mises sous scellé et archivées dans un entrepôt secret de l'armée soviétique qui décrète la zone de la tragédie zone interdite, et ce pendant 5 ans. Il faudra pour les familles et leurs descendants attendre le milieu des années 90 pour qu'enfin les autorités russes décident de déclassifier l'affaire. Pour autant, de nombreuses pièces du dossier ne seront jamais retrouvées. Une situation qui fera dire à plusieurs journalistes que les militaires avaient quelque chose à cacher dans cette histoire. Thank you. sensible, Fabrice Drouel. Parquet de la République socialiste soviétique de la Fédération de Russie. Affaire criminelle concernant la mort de skieurs de randonnée dans la région du mont Otterten. Je sous-signais le procureur de la région de Sverdlovsk, conseiller d'état de justice de 3e classe. Camarade Klinov Nikolai affirme que le 23 janvier 1959, un groupe indépendant de skieurs de fond composé de 10 individus est parti en randonnée en suivant l'itinéraire Yvdel Mont Otterten. 9 d'entre eux ont ensuite quitté le secteur Nord 2 pour poursuivre la randonnée. Le 1er février 1959, le groupe a entamé l'ascension du mont Otterten et dans la soirée a bivouaqué sur le sommet 1079. Dans la nuit du 1er au 2 février, tous les 9 ont péri dans des circonstances non élucidées à ce jour. Il faut attendre le milieu des années 90, avec la fin de la guerre froide et la révélation de nombreux secrets d'État, pour que la justice russe autorise les familles et leurs avocats à consulter les archives sur la tragédie du groupe Diatlov. Parmi ceux qui sont persuadés que l'armée rouge a tout fait pour cacher une opération secrète ou une bavure, il y a Youri Oudine. Youri était le 10e rang d'honneur de la bande. Celui qui avait dû abandonner l'expédition lorsque le groupe était arrivé au village de Severny après 2 jours de marche, à cause d'une crise d'asiatique. Youri est donc, malgré lui, le seul rescapé, le seul survivant de cette aventure. Pour étayer ses affirmations, le jeune homme se base sur plusieurs témoignages qui affirment que, dans la nuit du 1er au 2 février 1959, le ciel au-dessus de cette région de l'Oural s'est soudainement rempli de boules de feu et de rayons lumineux. Certes, les pentes de la montagne de Kolatsakil ne sont pas très loin du cosmodrome de Pleslevsk, où l'ont testé à cette période les toutes premières capsules et fusées balistiques. C'était dans le cadre du plan de la conquête spatiale. Alors, y aurait-il eu cette nuit-là un accident? Un engin se serait-il écrasé à proximité du bivouac? Une hypothèse sévèrement mise en doute quand on sait que les étudiants secouristes n'ont retrouvé aucune trace de débris lors de leurs recherches. La région de Sverdlovsk était également connue à l'époque pour abriter une importante base aérienne militaire et plusieurs usines d'armement. On sait également que l'armée aurait procédé à des essais souterrains dans les environs. C'est l'une des raisons qui vont pousser l'auteur russe Anna Matveva, auteur d'une contre-autrice, d'une contre-enquête dans cette affaire, vers la thèse suivante. Parmi les théories envisagées, l'une d'entre elles suggère qu'Igor Diatlov et son expédition auraient pénétré dans un périmètre où l'on procédait en secret à des essais de bombes à vide. En effet, la peau de plusieurs des victimes présentait une étonnante couleur rougeâtre et leur corps avait subi des blessures internes et des hémorragies. Ces symptômes sont, d'après plusieurs experts, caractéristiques d'un choc dû à une bombe à vide, un engin explosif qui provoque une forte aspiration d'air dans une large zone. Si les blessures des 9 randonneurs restent aujourd'hui encore sujettes à interprétation et controverses, tant sur leur ampleur que sur leur nature, on sait qu'au moins un parmi eux présentait des traces notables d'irradiation. Mais aussi, on sait aussi que cette personne, qui répond au nom de Zina, manipulait des isotopes radioactifs dans le laboratoire de l'école polytechnique. Aurait-elle été contaminée avant? Autre élément qui remet en question cette théorie, c'est la rumeur qui, un an auparavant, évoquait une fuite dans le bassin de refroidissement du réacteur de la centrale nucléaire de Sverdlovsk. D'après certains, cette fuite aurait contaminé toutes les rivières alentour et provoqué la mort d'une grande quantité de poissons. Et si les randonneurs avaient tout simplement bu l'eau d'un cours pollué? Cela pourrait expliquer le taux de radiation de certains d'entre eux, et surtout, les traces sur leurs vêtements. Dernière piste qui mène à une implication de l'armée, la théorie d'une mise en scène. Surprenante à plus d'un titre, elle a été émise par plusieurs randonneurs expérimentés. Ces derniers affirment que des militaires circulaient bien dans la région au moment de la tragédie. Comme le relate Anna Matveva, l'autrice du livre Le mystère Diatlov. Parmi les théories envisagées, l'une d'entre elles suggère qu'Igor Diatlov et son expédition auraient pénétré dans un périmètre où l'on procédait en secret à des essais de bombes à vide. En effet, la peau de plusieurs des victimes présentait une étonnante couleur rougeâtre et leur corps avait subi des blessures internes et des hémorragies. Ces symptômes sont, d'après plusieurs experts, caractéristique d'un choc dû à une bombe à vide, un engin explosif qui provoque une forte aspiration d'air dans une large zone. Mais encore une fois, quelque chose ne fonctionne pas dans cette démonstration. Tout simplement parce qu'on n'a retrouvé aucun impact de balle ou du sang sur le corps des randonneurs. Pire, la tente du groupe Dyatlov semble être restée au même endroit parce qu'on a retrouvé en dessous le trou où les étudiants avaient enterré leur ski. Un temps est évoqué la piste d'un ours, l'attaque d'un yéti ou encore celle d'un autre animal de type inconnu. On en vient même à accuser la tribu des Mansi d'avoir voulu effrayer les randonneurs. Mais là encore, aucune preuve ne vient étayer ces scénarios. Au bout du compte, s'il est certain que les randonneurs sont morts d'hypothermie, et qu'on sait que certains d'entre eux ont été retrouvés à moitié nus dans la neige, qu'est-ce qui explique leur précipitation à sortir de leur tente en pleine nuit? Longtemps jugée peu crédible, vu la faible inclinaison de la pente à l'endroit du campement, la piste d'une avalanche s'avère, dès le début, être la plus plausible. Mais elle est assez vite évacuée par les autorités. Pourtant, une simple coulée de neige aurait pu réveiller les étudiants en pleine nuit, les forçant à sortir de leur tente en catastrophe, sans s'habiller, les contraignant même à aller se protéger jusqu'en lisière de forêt, là où ont été retrouvés les corps. Bien. Oui, sauf que, interrogé par les médias russes, l'expert médico-légal Edouard Toumanov affirme que les blessures d'une partie des randonneurs ne correspondent pas à celles que l'on retrouve d'habitude chez les victimes d'avalanches. Et, si avalanche, il y a bien eu, cette nuit-là, la tente aurait été arrachée et projetée à des centaines de mètres de là où elle était retrouvée. Le 1er juillet 2019, soit un peu plus de 60 ans après la tragédie, un ancien colonel de police à la retraite, Evgeny Tchernosov, demande l'ouverture d'une nouvelle enquête. Cette fois au titre d'homicide volontaire, oui. Il affirme à la télé russe que l'armée a caché des éléments retrouvés sur la scène du drame et tenté d'étouffer certaines responsabilités. L'homme en veut pour preuve le fait que l'enquête a été classée en moins de 3 mois et que de nombreux rapports ont depuis disparu. Contrainte et forcée, la police russe rouvre donc le dossier. Moins de quelques semaines plus tard, elle ressort la thèse de l'avalanche. Certes, cette enquête se base sur de nouveaux éléments scientifiques, mais au sein de l'opinion publique russe, de nombreuses personnes doutent de son sérieux ou refusent simplement d'en accepter la conclusion. Alors qu'on apporte pour la première fois une explication claire, simple et sensée à ce qui avait pu se passer cette nuit du 1er ou 2 février 1959 sur les flancs de la montagne du Kolatsiakil, écrit Anna Matveva. Personne en Russie ne voulait ou ne pouvait croire que la cause de cette histoire dramatique qui les avait fascinés, hantés et obsédés pendant plus d'un demi-siècle n'était en réalité qu'un simple accident de la nature. Non, conclut Anna Matveva, en Russie on continue de croire que c'est quelque chose de plus mystérieux et de plus terrible qui est à l'origine de la mort d'Igor Dyatlov et de ses 8 compagnons en cette nuit d'hiver 1959 dans l'Oural. Oui, bien sûr. Mais quoi ? Allez, neige, tombe comme avant, éclaire-moi dans la nuit noire. Éclaire-moi maintenant, je ne suis plus vraiment comme avant. C'est un cimetière d'étoiles cassées qui a poussé hier dans mes poches glacées. Bon anniversaire. Come home, little mama. Come home, little bird. Alone in the rain. Come home, little mama. Come home, little bird. Don't stay alone in the rain. Mais allez, neige, tombe comme avant. Éclaire-moi J'en veux encore des bras, des comme les tiens. Tiens-toi bien, je me tiens bien. J'en veux encore des étoiles filantes entre mes doigts dans le ventre et le cœur planté. Moi, je me soulèverai. Allez petit, fais-nous voir ça. Je ne sais plus comment ça marche, les éclairs, mais j'en veux encore. J'en veux encore. Oh, j'en veux encore. Oh, j'en veux encore. Il faut réparer, recoller, me recoudre à la foudre super glue des cieux. Messieurs, dames, je ne vais peut-être pas y arriver, mais allez, neige tombe comme avant. Éclaire-moi, envoie-moi tes flacons d'éclair tendre, tombe sur moi, avalanche, avale-moi. Je me soulèverai la terre avec mon petit doigt vissé à la mer. Et si je pique encore une colère, tout s'écroulera sur ma gueule, comme avant et maintenant, comme avant et maintenant, comme avant. Affaires sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'histoire des disparus du col Diatlov, le mystère non résolu, dont nous allons parler avec notre invité Johan Gaume. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur, professeur associé, chef du laboratoire de recherche sur les avalanches à l'école polytechnique de Lausanne, en Suisse donc. Vous êtes l'auteur avec Alexander Perzin d'un article consacré à cette affaire intitulé... Alors le titre est intéressant parce qu'il nous donne la clé du mystère, enfin celle que vous estimez la plus plausible. Mécanisme de libération d'avalanches sur plaques et son impact lors de l'incident du col Diatlov en 1959, donc publié dans la revue américaine Nature. D'abord, comment en êtes-vous arrivé à travailler sur cette histoire, vieille de plus de 60 ans et qui était jusque-là une sorte de cold case des tragédies en montagne? Alors, un petit peu par hasard, en 2019, j'avais jamais entendu parler du col de Diatlov. Et lorsque l'enquête a été réouverte par le parquet russe en 2019, ça a engendré un tollé médiatique. Et à l'époque, le New York Times m'a contacté pour connaître mon opinion sur l'hypothèse de l'avalanche qui était déjà émise par les spécialistes qui ont enquêté avec le procureur. Donc j'ai demandé à cette journaliste de me rappeler un ou deux jours plus tard, le temps que je me documente un peu, et j'ai été littéralement passionné par ce que j'ai trouvé. J'ai décidé d'aller plus loin d'un point de vue scientifique, et j'ai contacté mon collègue Alexander Pouzrin de l'ETH à Zurich, qui est professeur d'ingénierie géotechnique, et il a non seulement une expertise en glissement de terrain avalanche, mais il est aussi originaire de l'ex-URSS, et il parle l'île russe. Ça a été important aussi dans notre parcours scientifique. Quelle était votre intention éditoriale? C'est-à-dire que quel est pour vous l'enjeu? Pourquoi avoir écrit cet article-là? Bah écoutez, c'est vraiment parce que je suis tombé dedans, ça m'a passionné. J'ai commencé à écrire quelques équations sur mon tableau blanc et je me suis rendu compte, oui, il y a possibilité, si on reprend toutes les archives, toutes les données météorologiques de Montonnet-Jeux, il me semble que c'est plausible qu'il y ait eu une avalanche sur ce site. Et donc, voilà, on est allé plus loin, on a développé des modèles théoriques, des modèles numériques. Et alors, il y avait voilà une certaine passion, puis aussi ben, le côté de pouvoir appliquer mes recherches à un cas réel mystérieux. Bien sûr, bien sûr. Vous êtes rendu sur les lieux ou vous allez y aller? Alors, on a failli y aller là au mois d'avril avec un réalisateur qui travaille pour la télévision suisse. Alors lui, il y est allé, il est revenu avec des images magnifiques et nous, on y retourne en septembre. On y retourne en septembre cette année. Alors justement, enfin, on y va pour la première fois. Oui, vous y allez pour la première fois. Vous avez failli y aller, donc vous y allez. À quoi ressemble cette montagne du Kolatsiakil, de ce que vous en avez vu sur les photos et de ce que vous ont dit vos éclaireurs finalement? Alors je dirais que ça ressemble un peu aux Préalpes, un peu les montagnes du Jura. Donc c'est pas de la grosse montagne, mais il y a des conditions météo très défavorables là-bas. Beaucoup de vent, des températures extrêmes, notamment dues à l'influence du cercle arctique. Et voilà. Mais en termes de montagne, c'est pas de la très grosse montagne. On a longtemps dit que Igor Diatlov et son groupe d'étudiants étaient des randonneurs très expérimentés, à même de gérer les situations les plus critiques. Pourtant, là, ils ont bien été dépassés par les événements. Ce qui nous renvoie, mais on en parlera à la fin de l'interview d'ailleurs, à la prudence ou le manque de prudence de certains adeptes de la montagne par rapport au risque d'avalanche, justement. Là, ils ont été dépassés par les événements. Ils avaient vraiment une réputation de bons randonneurs, de ce que vous en savez? Alors, c'est un point important, cette expérience, et j'aimerais en parler rapidement. Igor Diatlov, c'était le plus expérimenté, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi des étudiants d'une vingtaine d'années. Et notamment, leurs journaux montrent que leur préparation est un petit peu chaotique. Il y a du matériel manquant, du matériel emprunté à la dernière minute à l'université. Diatlov, c'est un étudiant en ingénierie radio, et il part toujours avec sa radio, d'habitude. Et là, cette fois-ci, il n'est pas parti avec sa radio. Donc oui, ils avaient beaucoup de l'expérience, mais aussi une certaine insouciance, comme la plupart des jeunes. Et enfin, ce que j'aimerais vraiment dire, c'est que beaucoup de gens pensent que les personnes qui ont de l'expérience n'ont jamais de problème. Et il y a une citation célèbre qui dit « Si vous cherchez un expert avalanche, regardez sous le dépôt. » Avoir de l'expérience, ça n'empêche pas de se faire prendre. Et malheureusement, je pense là à un ancien collègue du laboratoire INRAE à Grenoble, où j'ai fait ma thèse, qui est malheureusement décédé cette année dans une avalanche. Et c'était un expert international du domaine. Oui. Au bout du compte... Oui, bah, allez-y, je vous en prie. Allez-y. Pardon. Non, oui, vous m'avez demandé aussi également s'ils ont été dépassés par les événements. Alors, ils avaient du retard, ils ont été pris dans la tempête, et ils ont pris une décision qui est de camper au milieu de la pente, au lieu de redescendre dans la forêt, pour pas perdre leur avance sur la journée, mais aussi ils voulaient tester leurs limites. Ils voulaient vraiment camper dans des conditions difficiles. Ils étaient préparés pour ça. Donc moi, je pense pas qu'ils étaient dépassés par les événements. Ils ont pris une décision qui a eu des conséquences dramatiques, et c'est la dure loi de la montagne. Alors au bout du compte, on ne sait pas officiellement ce qui s'est passé. Comment les gens de la région, de la ville, abordent-ils cette histoire? Est-ce que ça les énerve qu'on ne sache pas? Est-ce qu'ils y pensent encore? Ou est-ce que c'est tombé relativement dans l'oubli? Alors là, faudrait que je demande à mon collègue qui est revenu de cette région, mais il me semble que non, dans la région, c'est toujours quelque chose de très très important. Notamment, je sais que notre article a engendré pas mal d'émoi dans la population. C'est vrai que notre hypothèse de l'avalanche, c'est quelque chose de trop banal, trop normal. Les gens veulent que le gouvernement soit impliqué, veulent qu'il y ait une cause technogénique. Alors c'est vrai que là-bas, sur place, notre article est pas très bien reçu, mais depuis la publication de notre article, on a aussi contacté pas mal de scientifiques russes, et notamment les experts qui ont été commissionnés par le procureur, et ils sont tous en accord avec nos résultats, qui sont assez proches de ce qu'ils ont proposé déjà au procureur à l'époque. C'est-à-dire que sur place, on voudrait que cette histoire soit moins banale, si je puis dire, hein, qu'un accident naturel d'avalanche, c'est ça ? Bah, c'est quand même un mythe en Russie, le col de Diatlov. Et là, d'un coup, avec notre article, on vient dire que c'est quelque chose de trop normal. Enfin, c'est trop classique. Donc, on n'a pas envie d'y croire. L'hypothèse du Yeti me plaît presque plus que ma propre hypothèse de l'avalanche, si vous voulez. Mais vous savez comment est l'humain. Il ne supporte pas ne pas savoir. Pourtant, ça fait partie de la vie, le mystère. Et on n'a pas réponse à tout. Voilà, on faisait comme ça. Et on n'a pas réponse à tout dans notre article non plus. Hein. Non, nous, on s'intéresse seulement à l'hypothèse de l'avalanche sur ce qui a déclenché la sortie de leur tente en plein milieu de la nuit. Mais tout ce qui se passe après, ça restera un mystère. Personne n'a survécu, donc tout ça restera un mystère. Ah oui. Alors, je ne sais pas si vous êtes penché. Oui, j'imagine quand même, c'est intéressant le côté enquête sur les différentes hypothèses qui ont été avancées. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on en reparle dans 3 minutes, après avoir écouté Angus et Julia Stone, qui chantent, alors ça vend de circonstances, Snow. John Goom, donc nous en étions restés aux hypothèses, alors si vous le voulez bien, on va les passer les unes après les autres et voir quelles sont les bonnes raisons de mettre de côté des hypothèses qui ne tiendraient pas debout ou ne seraient pas assez solides. L'armée, est-ce que les randonneurs se seraient approchés trop près d'une aire d'essai militaire qu'il faut surtout pas voir? Qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce que ça tient? Écoutez, c'est possible, c'est une hypothèse. Moi, je vais surtout... Alors, il y a certaines hypothèses sur lesquelles je peux parler. Celle-ci, c'est vrai qu'il y avait des militaires dans la région, mais c'est une région qui est extrêmement vaste. Quand il parle de militaires de la région, le site est à des dizaines de kilomètres plus loin que le col de Diatlov. C'est possible, mais... Je saurais pas vraiment la discréditer totalement, c'est une hypothèse aussi. Mais oui, parce qu'il a fallu, ce qui peut aussi éclairer notre chandelle, dans le sens de cette hypothèse, c'est qu'il a fallu attendre la fin du régime communiste pour en savoir plus, ce qui n'est pas forcément anodin. C'est vrai, et c'est peut-être par embarras. Alors soit c'est possible qu'il y ait des éléments qui aient été cachés, soit par embarras de pas trouver la solution. Les deux hypothèses se valent. Bon, alors... Quelque chose de troublant quand même, parce que ce sont des faits avérés. La peau, orange. Les cheveux, orange. C'est étrange, une avalanche, ça fait pas ça. Non, mais bon, ils ont retrouvé les corps, pour certains, 4 mois plus tard. Certains ont été dans un ravin avec un petit ruisseau. Il y a énormément de dommages qui peuvent être causés aux corps dans ces conditions, notamment sur tout ce qui est les yeux arrachés, la langue arrachée. L'expert médico-légal n'a pas dit que ça a été arraché, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de langue et plus d'yeux. Et cette personne-là avait le visage face dans le ruisseau pendant plusieurs mois. Donc là, il y a des explications assez naturelles qui peuvent se mettre en avant. Et les mains brûlées? Les mains brûlées, c'est, j'imagine, ils ont creusé dans la neige, peut-être pour essayer de trouver du bois, pour essayer de... Je sais que certains ont grimpé à un arbre pour obtenir des pommes de pin et essayer de faire un feu. Ensuite, ils avaient tellement froid que peut-être ils se sont brûlés les mains avec le feu qu'ils ont fait. Il y a des restes de feu. C'est une possibilité. Quid de la présence de radioactivité sur certains corps? Alors ça, je dirais que, enfin, on n'en parle pas dans notre papier parce qu'il y a une explication assez simple. Déjà, si on faisait une petite démonstration par l'absurde, imaginons qu'effectivement l'armée ait fait des tests nucléaires à cet endroit-là. Pourquoi seulement 2 personnes auraient des traces de radioactivité sur les vêtements et pas toutes les personnes du groupe? D'autant plus que les 2 personnes qui ont des traces de radioactivité, l'une d'entre elles travaille dans une centrale nucléaire et l'autre a visité récemment un site radioactif. Elle est, la quantité de radioactivité est relativement faible. Donc ça, c'est un aspect qui, pour moi, personnellement, après avoir beaucoup creusé ces aspects-là, qui reste anecdotique. Mais quand on met la somme de tous ces éléments anecdotiques, la langue, la radioactivité, la couleur de peau, c'est vrai qu'à la fin, on se retrouve avec Diatlov, avec quelque chose d'extrêmement troublant. Tu pensais d'autres hypothèses, comme celle qui paraît pas idiote? Là, vu les indices qu'on a, ça tient pas trop, mais ça aurait pu tenir, l'attaque d'un ours. Alors l'attaque d'un ours, j'y crois pas non plus, puisqu'il y a aucune trace de blessure superficielle, il y a pas de griffure, la tente est pas, il y a pas de preuve que l'ours serait rentré, il y a des vivres qui ont été retrouvés dans la tente. Donc celle-là, non, je la mettrai de côté, celle-là. Bien. Rassurez-vous, il n'y en a plus que 2, hein. D'une dispute entre les participants. Alors là, je dirais que c'est possible, même si quand même, de là à sortir à moitié nu, en pleine nuit, le groupe en fait à cause d'une dispute. Mais c'est vrai qu'il y avait une romance entre une femme et un homme au sein du groupe. Il peut y avoir eu une dispute, mais voilà, de là à mettre la vie de tout le groupe en danger, à nouveau, j'y crois pas trop. Et enfin, de la tribu qui vit dans cette contrée, on voit pas pourquoi les Nancy agresseraient des randonneurs, mais enfin bon, ça se dit. Oui, mais à nouveau, il n'y a pas de trace de combat entre les membres du groupe. Donc, au bout du compte, on va faire comme les enquêtes policières. Au bout du compte, on a évacué des hypothèses qu'on ne retient pas pour arriver à l'hypothèse qu'on va pas retenir officiellement, mais qui semble la plus plausible, l'avalanche. Et c'est bien votre hypothèse. Oui, tout à fait, c'est notre hypothèse, mais voilà, on n'a pas mis de côté les autres. Hein. Nous, on s'intéresse vraiment à la nôtre, mais... Mais qu'est-ce qu'il étaye? Voir la différence. Qu'est-ce qu'il étaye? Alors on a développé de nombreux modèles théoriques et numériques qui étayent cette hypothèse, notamment autour de 4 arguments contre l'hypothèse de l'avalanche. Donc notamment l'angle de la pente qui serait trop faible, les incertitudes sur le mécanisme de déclenchement. Ils ont fait un trou pour creuser, pour poser leur tente, mais rien ne s'est produit avant le milieu de la nuit. Ensuite, les blessures sont pas typiques des victimes en avalanche. Et enfin, il n'y a pas de traces d'avalanche. Et puis aussi, il y a aussi le campement qui n'a pas bougé. On peut estimer qu'avec l'avalanche, ça emporte tout. Non, non, le campement a bougé. Il y a le poteau de l'ouverture de la tente qui est resté sur place, mais la tente est quand même partiellement ensevelie sous la neige. Il y a juste un poteau. Mais en fait, il faut bien voir la différence entre l'avalanche qu'on voit dans les films, la grosse avalanche qui détruit tout sur son passage, et l'avalanche qu'on considère dans notre papier, qui est une rupture de talus. On considère qu'ils ont fait un trou dans la neige, que ce trou a été un peu comme lorsqu'on enlève un mur de soutènement, ça engendre une instabilité. Rien s'est produit à ce niveau-là, et comme il n'y a pas de chute de neige dans la nuit, qu'est-ce qui peut produire un chargement pour engendrer une rupture et une avalanche? Et notre hypothèse, c'est le vent. C'est le vent qui aurait transporté de la neige de l'épaule au-dessus de la tente. Et il y a des données expérimentales qui montrent qu'il y avait des vents katabatiques. C'est des vents qui descendent la montagne. Ce vent aurait transporté de la neige et aurait chargé la pente au-dessus de la tente progressivement. Et nous, on parle d'une petite plaque de 4 mètres par 4 mètres qui se serait déclenchée juste au-dessus de la tente et qui aurait juste glissé sur la tente. C'est pour ça qu'il n'y a pas de signe d'avalanche, si vous voulez. C'est vraiment une petite avalanche qui les a surpris en plein milieu de la nuit. Et donc nous, on a développé des modèles qui permettent de reproduire les données de délai entre le moment où ils ont établi le campement et le moment où une avalanche potentielle se serait reproduite. En utilisant les données expérimentales de vent, on a développé des modèles numériques pour évaluer l'impact de blocs de neige sur le corps humain, en calibrant les données de corps humain, en calibrant le modèle de corps humain à l'aide de données expérimentales de crash test fait par General Motors dans les années 70 sur des cadavres humains, et on a montré que les impacts ne pouvaient pas être mortels, mais qui pouvait être engendrer des blessures modérées à sévères, ce qui est en accord avec les résultats de l'autopsie. Donc en fait, c'est une petite avalanche qui les aurait surpris dans la nuit et les aurait obligés à fuir vers la forêt. Et alors, ils seraient morts une fois qu'ils ont fui vers dans la forêt. C'est ça, ils n'étaient pas habillés correctement. Ouais. Ils sont allés faire du feu dans la forêt, mais ils n'ont pas trouvé assez de bois pour faire un gros feu. Ils n'avaient pas les habits appropriés et ils sont morts d'hypothermie dans la forêt. Alors, quand on entend votre démonstration, c'est vrai qu'on n'a plus envie de croire. On aurait envie de croire aux autres hypothèses parce qu'elles sont plus romanesques. Oui. Mais quand on vous écoute, on n'a plus envie d'y croire parce qu'effectivement, ce que vous nous racontez tient debout, quoi, complètement. Cette sorte d'avalanche, ils s'enfuient, créé par un trou qu'ils ont eux-mêmes creusé dans la neige, ils s'enfuient, n'ont plus de base, donc ils meurent d'hypothermie. Tout ça tient vraiment bien. Alors, moi, ça me fait penser à autre chose. Pouvez-vous me dire, je pense que c'est une question qui vous taraude depuis le début de votre carrière, pourquoi, alors qu'on voit autant de drames en montagne, les gens continuent, les touristes, continuent à être pris par des avalanches? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'enfin on évite ça? Parce que c'est évitable. Parfois, c'est inévitable, mais c'est souvent évitable. Pas que les touristes. Et pas que les touristes. Je pense que je suis la bonne personne pour répondre à cette question, puisque je fais ce métier, parce que je suis un passionné de la montagne. Mm-hmm. Et quand on est passionné de la montagne, on y va. Et la montagne est aléatoire. Le manteau neigeux est variable. On a beau suivre le bulletin d'estimation du risque d'avalanche, il y a toujours une incertitude. Il y a toujours une certaine incertitude. Et on arrivera, je pense, malgré les recherches, malgré les progrès en avalanche, pas à enlever cette incertitude. Et qu'est-ce qui pousse les gens? C'est le plaisir, la poudreuse. Je suis le premier. Là, je peux vraiment vous répondre en connaissance de cause. Je vais dans des terrains qui peuvent être parfois considérés comme avalancheux. Je fais du mieux que je peux pour prendre des décisions en ayant déjà le matériel adéquat, les connaissances adéquates, en regardant le bulletin d'estimation du risque d'avalanche. Mais malgré ça, on peut faire des erreurs, même en tant qu'expert. Bien, ce sera le mot de la fin, Johan Gaume. Merci en tout cas pour vos éclairages techniques et bonne chance pour votre enquête. Vous nous tiendrez au courant si vous apprenez des choses. Vous nous le devez maintenant. Très bien. Au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le mystère Dyatlov. À la technique aujourd'hui, il y avait Loïc Frappesauce.